j'ramasse tes gosses, c'est la télé. Ta brosse à dents, ton revolver, ta voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, j'ai pris ta femme, les canapés, les micro-ondes, les frigidaires, et même jusqu'à ta vie privée. T'es toute façon à découvert. Tu peux bien vendre ton âme au diable. Avec lui on peut s'arranger. Puisqu'ici tout est négociable, car tu n'auras pas ma liberté de juif. Je vais prendre ton lit, tes disques d'or, ta bonne humeur, tes petites cuillères, Adolf Hitler, tout ce qu'à tes yeux a de la valeur et dont tu n'as plus rien à faire. Quitte à tout prendre, je n'oublierai pas le shit planqué sous l'étagère. Tout ce qui est beau et compte pour toi, je préfère que ça parte au cimetière. Je peux donner ton corps à la science. S'il y a quelque chose à refourguer, je m'en parle avec de ta bonne conscience, car tu n'auras pas ma liberté de juifier. Poche sur la table, ça fait longtemps qu'elles sont juifées. Chier dans ta bouche, j'en suis capable, car tu n'auras pas